Salam, avant de commencer l'audio, vite fait en préambule, en fait cette vidéo s'adresse plus aux chrétiens. Donc mon message est le suivant, dans ce qui va être lu, dans ce qui va être dit, ce n'est pas de l'animosité, ce n'est pas un rabaissement, mais au contraire, c'est pour provoquer la réflexion chez nos amis chrétiens, et que, Inch'Allah, peut-être que cette chose, cet audio, pourra être peut-être le déclencheur de multitudes, de multiples recherches sur la théologie islamique, chrétienne, comparatif et d'autres, pour Inch'Allah arriver à cette finalité qu'on veut tous, at-tawhid, l'unicité d'Allah. Donc voilà, le but de cet audio est la niyya que je mets entre les mains d'Allah, la niyya est celle-ci. Que les chrétiens qui écoutent cet audio, Inch'Allah, taclent leur orgueil et fassent des recherches juste après, Inch'Allah. Si ça peut contribuer à ça, pourquoi pas. Salam à tous. L'audio va se focaliser sur le sujet suivant, la Trinité. Donc, on va essayer de procéder ça via trois couches. La première couche va être dans l'ordre de l'histoire. On va résumer ça. Donc, à la racine, au point de vue historique. Ensuite, on va essayer d'exposer et de relater 12 arguments contre la Trinité. Et ensuite, sept arguments, on va dire un peu plus légers, dans l'ordre aussi de la logique et du rationnel, aussi concernant la Trinité, pour essayer, Inch'Allah, de réfuter cela, bien que ce que je vais faire là, ce n'est qu'une pierre parmi les tomes et tomes et tomes et tomes et tomes, mais je ne m'arrêterai pas jusque l'année prochaine de tomes de savants anciens, contemporains, qui ont parlé de ce sujet-là. Et qui ont, mashallah, bien argumenté. Donc voilà, moi c'est un petit caillou que je mets dans l'édifice. Il y a cet audio-là, en reprenant, en compilant un peu quelques ouvrages de théologiens, dont certains qui étaient des anciens chrétiens convertis, reconvertis plutôt à l'islam. Donc voilà. Donc je vais commencer par par l'optique historique. Donc les trinitaires et le dogme trinitaire n'ont pas vu le jour avant 381. Avant 381. Les empereurs romains, donc Constantin II et Constantinus, étaient aussi des unitaires, hein, ce qu'on nommait ariens, ou eusébiens, par les trinitaires postérieurs. La formulation du dogme trinitaire fut précisé et défini longtemps après, et plus exactement 3 siècles après Issa, Jésus-Christ. Cela nécessitera l'utilisation d'un nouveau vocabulaire emprunté à la philosophie qui ne pourra laisser place à des divergences d'interprétation. L'Église fut obligée de chercher une formulation logique de cette foi trinitaire. Pour cela, ils se sont mis d'accord sur ce qu'on appelle le credo ou la profession de foi. Vu que la Trinité est fortement incohérente avec la logique humaine et les enseignements du Christ, les hérésies furent des tentatives de ramener cette foi trinitaire à quelque chose de plus simple à comprendre, de moins exigeant pour la foi. Et cela exige des professions de foi plus précises pour répondre aux questions qu'elles ne manquent de poser. Le premier credo se trouve dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 8, 6 et 15, 3, qui date d'environ 60. Voir aussi Éphésiens, chapitre 4, versets 4 et 6. D'autres credos se retrouveront dans différents recueils liturgiques où sont évoqués par les pères, ou dans lesquels ils sont évoqués par les pères de l'Église. La première grande formulation de la foi trinitaire a été faite au concile de Nicée en 325 sous l'impulsion de l'empereur Constantin récemment converti. 324. Faites le lien. Le Concile de Nicée. Après la conversion de Constantin, la paix régna sur les chrétiens. Bien avant cela, l'entrée de plusieurs païens dans le christianisme avait amené des doctrines et des philosophies empruntées aux Romains et à la philosophie. Les querelles dogmatiques avaient commencé bien avant cela. Mais ce n'est que lors du règne de Constantin que l'on vit un dogme le rapporter par rapport à un autre, et par la force du pouvoir de l'Empire romain. Arius, qui était un prêtre d'Alexandrie, mort en 386, niait que le Christ, deuxième personne de la Trinité, soit égal au Père. Pour lui, il a été créé par le Père, et même l'incarnation est la production d'un être nommé, verbe différent du Fils. La controverse prit de l'ampleur rapidement dans les églises orientales, et Constantin mit son autorité au service de l'Église. Il a donc convoqué un concile réunissant tous les évêques. C'est le premier concile œcuménique de l'histoire. On y affirme dès lors la consubstantialité du Fils et du Père, et on y condamne les erreurs d'Arius. Condamnation confirmée au concile de Constantinople, pour vérifier. Nous croyons en un Dieu, Père Tout-Puissant. Je reprends les paroles. Nous croyons en un Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de toutes choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, unique engendré du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel, de même nature au Père, par qui tout a été fait. C'est sa parole. Nous, en tant que musulmans, soumis au Seigneur, au Créateur, acceptant la véritable religion, celle qui abroge toutes les autres, bien sûr, entendre cela, voilà, mais c'est pour bien mettre les choses au clair, pour bien mettre les points sur les i, hein. Voilà, et montrer que, même si, bien sûr, on ne peut pas entendre ce genre de choses, nous, en tant que monothéistes, mouahidines, c'est clair que, voilà, il y avait déjà les prêtres qui refusaient le fait de mettre dans le même sac, donc qui dissociaient ce qu'ils appelaient le Christ et, astaghfirullah, malheureusement, le Fils du Père. Mais bon, c'est quand même, il y avait quand même la grosse divergence entre eux à cette époque. Enfin, soit. L'arianisme n'a pas fini de séduire. Puisque ceux qui ont suivi l'actualité avec le 1500e anniversaire du baptême de Clovis se souviendront que ce dernier a dû lui aussi choisir entre l'arianisme et le catholicisme. En Orient en tout cas, l'arianisme a bien failli l'emporter après le concile de Nicée. On se trouvera bien à des lieux avec deux hiérarchies chrétiennes parallèles, l'une catholique et l'autre arienne. Donc vite fait en préambule, arienne c'est être unitaire. Et le Saint-Esprit dans tout ça? Cette période aura été une intense période de lutte entre les trinitaires et le reste des chrétiens qui luttaient contre cette doctrine. Sur la nature du Fils, mais aussi sur le Saint-Esprit dont on soutiendra à son tour qu'il n'est qu'une créature. Forme d'hérésie. L'aboutissement en sera le concile de Constantinople en 381, qui précisera l'article sur le Saint-Esprit, fort bref dans le credo de Nicée, qui est le suivant. Et en Esprit Saint, le Seigneur qui vivifie, qui procède du Père, qui avec le Père et le Fils reçoit même adoration et même gloire, qui a parlé par les prophètes. Le concile de Constantinople de 381 ne sera que le premier du nom. Et en 553, au deuxième concile de Constantinople, un certain nombre de vérités concernant le Christ seront réaffirmées. Un des exemples, citation suivante, « Si quelqu'un ne confesse pas de naissance du Fils de Dieu, l'une avant les siècles, du Père, intemporel et incorporel, l'autre au dernier jour, de celui-même qui descendu du ciel, s'est incarné dans Marie sainte et glorieuse, mère de Dieu toujours vierge, et qui est née d'elle, qu'il soit anathème. » Anathème, qui sort de la sphère religieuse. En 553. La maternité divine de Marie a été affirmée au concile d'Éphèse, en réponse à l'hérésie nestorienne qui affirmait qu'il n'y avait pas union en Jésus-Christ des deux natures humaines et divines. Cette affirmation de la maternité divine, qui est une citation de Jean-Paul II dans Redemptoris Mater, est la suivante, est pour l'Église comme un sceau authentifiant le dogme de l'incarnation selon lequel le Verbe assume véritablement dans l'unité de sa personne la nature humaine sans l'abolir. Il y a encore des églises nestoriennes au Moyen-Orient et en Inde. Le nestorianisme, en gros, c'est quoi? Elle se réclame du christianisme, elle donne en même temps une entité divine, une entité humaine, en la personne de Isa. Et elle a été fondée par Nestorius. Allah dans le Coran, le Seigneur, le Créateur, l'exalté soit-il, dit dans le Coran, Sourate les femmes, Sourate An-Nisa, versets 171-172. Ô gens du livre, les chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites de Dieu que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de Dieu. Sa parole qu'il envoya à Marie et un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Dieu et en ses messagers. Et ne dites pas trois. Cessez, ce sera meilleur pour vous. Dieu n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Dieu suffit comme protecteur. Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur de Dieu, ni les anges rapprochés de lui. Et ceux qui trouvent indigne de l'adorer et s'enflent d'orgueil, il les rassemblera tous vers lui. Voilà, c'est la fin de la première couche de l'audio. Et la deuxième couche, nous allons attaquer 12 arguments contre la Trinité. En 12 points, donc. Le premier point. La doctrine de Trinité est inacceptable par la logique. Les hérésies sont souvent des tentatives de ramener cette foi trinitaire à quelque chose de plus simple à comprendre. Deuxième point. Dans la Bible, Jésus n'a jamais parlé de Trinité. Est-il normal que cette doctrine, qui est à la base de la foi chrétienne, ne soit pas prononcée par Jésus ? Pour cela, les théologiens se sont trouvés dans l'obligation d'interpréter quelques textes pour prouver cette même Trinité. Troisième point. La doctrine de Trinité ne fut reconnue que lors des conciles œcuméniques. La plupart des chrétiens de cette époque étaient contre cette doctrine, parmi eux les Ariens, les Unitaires. Quatrième point. Les livres de l'Ancien Testament affirment tous que Dieu est unique, éternel, tout-puissant, que rien ne peut donner une idée de sa forme ni de son essence, qu'il est immatériel et sans forme. Ce point est trop connu pour qu'il soit besoin de multiplier les citations à l'appui. Cinquième point. L'adoration d'un être autre que Dieu est expressément défendue dans plusieurs endroits de l'Écriture. Par exemple, à l'Exode 20, chapitre 20 et chapitre 34, ou le Deutéronome, chapitre 13. Le prophète ou voyant qui prêcherait l'adoration d'un autre que Dieu doit être mis immédiatement à mort. Quoiqu'il eût opéré de grands miracles, la même peine est prescrite pour tout parent ou ami qui inviterait secrètement à cette adoration. Au chapitre 16 du même livre, il est dit que l'homme ou la femme qui adorerait un autre que Dieu doit être lapidé sans pitié. Point 6. La doctrine de la Trinité n'a été connue d'aucun peuple, depuis Adam, jusque Moïse, Moussa, alayhi salam, sans parler des autres peuples qui n'entendirent jamais parler de Trinité constituée de Jésus et le Saint-Esprit. Nous ne nous occuperons pas des prétendues allusions à ce dogme que ses partisans ont voulu trouver dans quelques passages de la Genèse. Parce que pour nous, ces passages sont en réalité altérés et l'allusion que les trinitaires s'imaginent y trouver ne repose que sur une interprétation purement imaginative et forcée des textes. Il n'est pas nécessaire de prouver que cette doctrine n'est pas dans la loi mosaïque. Tous ceux qui ont lu la Bible, qui se trouvent actuellement entre les mains des juifs et des chrétiens, le savent très bien. Jean-Baptiste lui-même, jusqu'à sa mort, douta de la nature et de la mission de Jésus. On voit par le 11e chapitre de Matthieu qu'il envoya deux de ses disciples à Jésus pour lui demander si c'était celui qu'on attendait. Si Jésus était vraiment Dieu, il faudra accuser Jean-Baptiste d'impiété, d'hérésie. Il sort de la sphère religieuse, car c'est une impiété que de douter de Dieu. On ne conçoit pas qu'il ait pu ne pas reconnaître son Dieu du moment qu'il était son prophète, et même le plus grand des prophètes, ainsi que l'a déclaré Jésus lui-même. Si le plus grand des prophètes et contemporain de Jésus n'a pas eu connaissance de sa divinité, on doit excuser les prophètes précédents de l'avoir ignoré. À plus forte raison, doit-on excuser les docteurs juifs depuis Moïse jusqu'à nos jours de ne pas l'avoir connu ? Dieu, dans son infinité et dans la plénitude de ses attributs, de sa perfection, existe de toute éternité. Si le dogme de la Trinité était vrai, Moïse et les autres prophètes hébreux auraient dû l'expliquer de la manière la plus claire. Il est vraiment étrange que ce dogme, si essentiel au salut, selon les trinitaires, soit resté lettre close pour tous les prophètes, depuis Moïse jusqu'au Christ. Moïse a exposé, de la manière la plus détaillée, et avec une insistance qui semble parfois excessive, les prescriptions les moins importantes en leur donnant la sanction des peines les plus sévères. Et cependant, il n'a pas fait la moindre allusion à cette doctrine, pourtant si essentielle selon ses adeptes. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que Jésus lui-même ne se soit jamais expliqué sur cette doctrine. Qu'il n'ait jamais dit, par exemple, Dieu est un composé de trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la personne du Fils est, avec ma personne, dans tel ou tel rapport ou d'une manière que votre intelligence ne peut pas arriver à comprendre, qu'il vous suffise de savoir le fait et de le croire aveuglément, ou quelque autre chose semblable. Mais les partisans de la Trinité ne peuvent produire de Jésus que quelques paroles énigmatiques et peu claires. L'auteur du Mizan al-Haq dit dans son livre intitulé « La clé des secrets » « Si on nous demandait pourquoi le Christ n'a pas dit clairement « Je suis Dieu », alors nous répondons. » Vite fait en préambule, donc l'auteur de Mizan al-Haq va répondre aux gens qui disent clairement « Pourquoi le Christ n'a pas dit clairement « Je suis Dieu ». Donc, il va essayer de répondre et Inch'Allah, la réfutation viendra juste après. Donc, on reprend. « Si on nous demandait pourquoi le Christ n'a pas dit clairement « Je suis Dieu », voici nos réponses. Donc, la première, cette première réponse est inadmissible en elle-même, n'ayant rien à faire avec le point en discussion. Donc, nous la passons. Deuxième réponse, qu'aucun n'aurait pu comprendre ce rapport et le concilier avec l'idée de l'unité de Dieu avant la résurrection de Jésus et son ascension au ciel. S'il avait dit qu'il était Dieu, ses disciples et les juifs auraient pris cela dans le sens d'une divinité corporelle et visible, ce qui est une erreur. C'est encore là une des choses auxquelles Jésus fait allusion quand il disait à ses disciples « Il y a bien des choses que je ne vous dis pas, parce que vous ne pourrez les comprendre, mais quand viendra cet esprit de vérité, vous comprendrez. » Donc dans Jean chapitre 16, 12 et 13. Donc versets 12 et 13. Donc les deux raisons sont d'une extrême faiblesse. Dire que les auditeurs du Christ ne l'auraient pas compris s'il avait pu leur faire part de sa divinité, tout en leur disant que le rapport de l'union du Fils avec le corps humain qu'il avait revêtu étant au-dessus de leur intelligence et qu'il fallait se contenter de savoir qu'il était Dieu sous un autre rapport que celui du corps, l'impuissance de comprendre cette relation des deux natures subsiste après comme avant l'ascension du Christ. Car jusqu'à présent, aucun théologien n'a réussi à la déterminer. Et tout ce qu'il en dit n'a servi qu'à augmenter la confusion dans les idées. Aussi, voyons-nous les théologiens protestants s'abstenir de toute explication. Et l'auteur du Mizan avoue lui-même à plusieurs endroits que la chose est au-dessus de notre compréhension. Quant à la seconde raison qu'il a évoquée, donnée par l'auteur, elle est tout aussi faible. Le Christ n'est venu, selon les chrétiens, que pour servir de victime expiatoire des péchés du monde. Il savait qu'il serait crucifié par les Juifs et prévoyait même le temps où sa crucifixion aurait eu lieu. Il n'avait donc rien à craindre de la part des Juifs en exposant le dogme de la Trinité. Il est vraiment étrange que le Créateur du ciel et de la terre, l'être tout-puissant, selon eux, hein, bien sûr, ait eu peur de ces créatures, et qu'il ait craint de faire connaître un dogme aussi essentiel au salut éternel quand ses serviteurs, Isaïe, Jérémie, Jean-Baptiste, n'ont jamais hésité à dire toute la vérité, et ont même exposé leur vie pour accomplir leur mission. N'est-il pas encore plus étrange que le Christ ait craint d'exposer cette doctrine, quand on le voit attaquer hardiment les mœurs de son siècle, dire aux pharisiens les plus rudes vérités, et les appeler conducteurs aveugles, hypocrites, insensés, sépulcres, blanchis, vipères. La source, Matthieu, chapitre 23, ou Luc, chapitre 11. On ne peut pas croire que celui qui était si courageux à dénoncer le mal ait pu hésiter à faire part d'un dogme dont dépend le salut éternel. Il résulte donc des paroles de l'auteur, de cet auteur, que le Christ n'a jamais parlé aux Juifs de sa divinité d'une manière explicite, et que cette doctrine leur était même si antipathique qu'ils voulaient lapider Jésus pour y avoir fait allusion d'une manière énigmatique. Ensuite, pour revenir encore toujours au même point, le Nouveau Testament nous dit en plusieurs endroits qu'il est impossible de voir Dieu en ce monde. Jean, chapitre 1, 18e phrase, « Personne n'a jamais vu Dieu ». Premier épître de Timothée, chapitre 6, 16e phrase, personne n'a jamais vu et ne pourra le voir. Personne n'a jamais vu et ne pourra le voir. Premier épître de Jean, chapitre 4, 12e phrase, verset, pour d'autres, jamais aucun n'a vu Dieu. D'accord? Donc on répète. Jean, chapitre 1, 18e phrase, personne n'a jamais vu Dieu. Premier épître de Timothée, chapitre 4, verset 16, entre guillemets, personne n'a jamais vu et ne pourra le voir. Premier épître de Jean, chapitre 4, 12, jamais aucun n'a vu Dieu. Et donc, il résulte de cela que celui que l'on peut voir n'est pas Dieu. Tout simplement. Bien que dans la parole de Dieu, dans les écrits des prophètes ou des apôtres, on ait pu lui avoir donné de nom de Dieu ou autre surnom semblable. Il n'y a donc pas à se tromper. Toutes les fois que ce nom est employé, c'est dans un sens métaphorique qu'il faut le prendre. Ainsi, dans le Pentateuque attribué à Moïse, on donne le nom de Dieu à toutes les manifestations de la puissance divine. Dans l'Exode, Exode chapitre 23, il est dit que Dieu dit « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin et pour t'amener au lieu que je t'ai préparé. Prends garde à lui et écoute sa voix, ne lui sois pas désobéissant, car il ne pardonnera point vos péchés, car mon nom est en lui lorsque mon ange marchera devant toi. » La colonne de feu qui marchait devant les Israélites pendant la nuit et celle du nuage qui les accompagnait le jour sont ici appelées des anges. On appelle Dieu très souvent des hommes, virtueux, des princes, le diable et même les brutes. Voici quelques exemples de l'emploi de ce mot. D'après la traduction arabe faite et éditée à Londres en 1844 pour l'Ancien Testament et pour le Nouveau à Beyrouth en 1860 pour le Nouveau Testament. Ensuite, on lit dans la Genèse, chapitre 17. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. » Abraham se prosterna et Dieu lui parla en ces termes. « J'établirai mon alliance entre toi et moi et tes descendants après toi, pour leur génération, une alliance perpétuelle. Je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Je te donnerai et je donnerai à tes descendants. Tout le pays de Canaan en héritage perpétuel, je serai aussi leur Dieu. » Dieu dit. Dieu, lorsqu'il eut achevé de lui parler, s'éleva de devant Abraham. Cet interlocuteur visible du patriarche était un ange, d'après les explications données ci-dessus et en vertu des mots. S'éleva devant Abraham. De même, la Genèse appelle Dieu les trois anges qui apparurent à Abraham dans le bocage de Mamré. Par exemple, l'Éternel lui apparut dans le chapitre 18. Au chapitre 28, nous lisons le passage suivant. Jacob partit de Beersheba et alla à Haran. Il arriva à un endroit où il passa la nuit, parce que le soleil était couché. Il prit une pierre et la plaça sous sa tête, et se coucha dans cet endroit. Il vit en songe une échelle appuyée sur la terre, et dont le bout touchait jusqu'au ciel. Et les anges de Dieu y montaient et en descendaient. L'Éternel était placé dessus et dit « Je suis l'Éternel, Dieu de ton père Abraham et le Dieu de Ishaq. Je te donnerai ainsi qu'à ta postérité la terre sur laquelle tu es couché. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Orient, à l'Occident, vers le Nord et vers le Midi. Avec toi et ta postérité seront bénies toutes les familles de la terre. » Et voici que je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abonnerai point, que je n'ai fait ce que j'ai annoncé. Lorsque Jacob se réveilla de son sommeil, il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et je n'en savais rien. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, et voici la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin, prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête, la dressa, pour monument et versa de l'huile sur le sommet. Il nomma ce lieu Bethel, au lieu de Luza, qui fut tout simplement le nom de la ville. Jacob fit un vœu en ces termes. Si Dieu est avec moi et qu'il me garde dans le voyage que je fais, qu'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, que je retourne en paix à la maison de mon Père, l'Éternel sera mon Dieu. La pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je donnerai la dîme de ce que tu me donneras. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, de 8 à 16, phrase 8 à 16, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour, et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Ici, l'amour même est appelé Dieu. En outre, dans de nombreux endroits des Écritures, ce nom de Dieu est donné à des idoles. Le Maître, le Seigneur, est souvent aussi appelé Dieu. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, 38, le mot « Rab », mon Seigneur, est expliqué par Maître. Et voici le passage. « Et ils lui répondirent, Rabbi, c'est-à-dire Maître, où demeures-tu ? » En conclusion, l'emploi du nom de Dieu dans l'Écriture, n'est souvent qu'une expression métaphorique qui ne peut et ne doit jamais être prise dans le sens propre quand elle s'applique à des êtres ou à des choses terrestres. C'était le point 6. Le point 7. La métaphore est dans l'Écriture d'un usage très fréquent. Les théologiens en profitent pour trouver des passages qui pourraient prouver la Trinité. Dieu parlant à Abraham, dans la Genèse par exemple, chapitre 13, phrase 16, qui dit « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, il pourra aussi compter ta postérité. » Dans le chapitre 23, 17, du même livre, il dit « Dieu dit, je te bénirai certainement. » Et je multiplierai tes enfants en aussi grand nombre que les étoiles du ciel et le sable qui se trouve sur le bord de la mer. Dieu promet également à Jacob de rendre sa postérité aussi nombreuse que le sable de la mer, bien que jamais elle n'ait égalé même un livre de sable. Et l'Exode, décrivant la terre promise, dit que le lait et le miel y coulent. Hein? Exode, par exemple, chapitre 3, tiret, phrase 8. Ou bien le 2 te dit par rapport à ça, dans le 2, chapitre 1, verset 28, qu'on y trouvait des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Le psaume, chapitre 78, verset 65-66, dit « Le Seigneur s'éveilla comme un homme qui a dormi, comme un héros qui sort de son vin, et il refoula ses adversaires, il les chargera d'un opprobre éternel. » Le psaume décrit Dieu comme celui qui, voûte d'eau, ses demeures supérieures, des nuages, il fait son char, il marche sur les ailes du vent. Il faut savoir que le style de Jean est plein de figures. Il n'y a presque point de versets où on n'en trouve pas. Par exemple, dans l'Apocalypse, chapitre 13, versets 1 et 7, Apocalypse, « Il parut aussi un grand signe dans le ciel. » Savoir une femme revêtue du soleil qui avait la lune sous ses pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et souffrant des douleurs de l'enfantement. Il parut aussi un autre grand signe dans le ciel. C'était un grand dragon roux qui avait 7 têtes et 10 cornes et sur cette tête 7 diadèmes. Et sa queue entraînait la troisième partie des étoiles du ciel, et elle les jeta sur la terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, quand elle aurait enfanté. Or, elle enfanta un fils mâle, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône, et la femme s'enfuit dans un désert où Dieu lui avait préparé un lieu, afin qu'il fût nourri pendant 1260 jours. Alors il y eut un combat dans le ciel. Michael et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon contre eux avec ses anges. Donc, c'est le style de Jean pris dans l'Apocalypse. Ce langage pris à la lettre est celui d'un insensé, d'un radoteur. Et les savants chrétiens, pour le rendre intelligible, sont obligés d'attribuer au mot un sens mystique et métaphorique. Quand ça les arrange. Et encore, les explications qu'ils en donnent sont-elles plutôt forcées? D'ailleurs, les gens du livre, les juifs et les chrétiens, ne manquent pas de prendre ces sortes de passages dans un sens figuré et sont unanimes à reconnaître dans leur livre saint l'existence des expressions métaphoriques. L'auteur du livre, guide de ceux qui étudient la sainte et précieuse écriture, reconnaît que souvent on rencontre dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament des métaphores obscures. Les conversations de notre Seigneur offrent de nombreux exemples de ce langage figuré dont les hérétiques ou les adversaires du christianisme ont tiré parti pour les besoins de leur cause. Ainsi, notre Seigneur a dit aux Juifs Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Jean, chapitre 6, verset 51. Les juifs matérialistes prirent ces mots au sens littéral et ils disputaient entre eux, disant « Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ?» À manger, ils ne considèrent pas que Jésus a voulu parler du sacrifice de la croix. L'Église romaine a pris à la lettre ces paroles de notre Seigneur. « Ceci est mon corps et ceci est mon sang. » Matthieu, chapitre 20, 26 et verset du même nombre. Et c'est sur cette interprétation contraire à toutes les traditions qu'elle fonde la doctrine de la conversion de la substance du pain et du vin en la substance du corps et du sang du Christ. Bien que les cinq sens nous montrent que le pain reste pain et le vin, vin, même après la consacration, les paroles du Christ n'ont qu'un sens symbolique. Donc c'est un passage du livre de l'auteur, guide de ceux qui étudient la sainte et précieuse écriture. Donc nous disons, nous musulmans, il faut prendre acte de l'argument employé ici par l'auteur. Il réfute les catholiques en invoquant le témoignage d'essence. Ce témoignage peut être invoqué par nous, à notre tour, contre la doctrine de la Trinité. La doctrine de la transsubstantiation est fausse, d'ailleurs pour plusieurs raisons. A. L'Église romaine soutient que le pain se transforme en corps et en sang du Christ. Mais si le pain devient le Christ entier et vivant, avec ses deux natures, il faut aussi qu'il reproduise les qualités inhérentes au corps humain, telles que la peau, les os, le sang. Rien ne change. Cependant, dans ce pain qu'on dit transformé, en le touchant, en le mangeant, on n'y aperçoit aucun changement. Si on le garde trop longtemps, comme tout autre pain, il se moisit. S'il y avait réellement transformation, il serait moins absurde que ce fût celle du Christ en pain, bien que celle-ci soit tout aussi choquante pour la saine raison, et non du pain du Christ. Petit b, la présence du Christ en plusieurs endroits à la fois, quoi qu'elle soit possible par rapport à sa prétendue nature divine, est tout à fait impossible concernant son humanité. Comme homme, le Christ mangeait. Le Christ buvait, dormait, il était sujet aux mêmes passions et aux mêmes faiblesses que nous. Comment, ayant tout en commun avec nous, aurait-il le don d'ubiquité? Avant et même après son ascension au ciel, il n'est jamais apparu dans deux endroits à la fois. C'est bien longtemps après qu'on s'est avisé de lui attribuer cela. Petit c, en supposant la consacration de plusieurs hosties à la fois en différents endroits, chacune d'elles sera le Christ, né de la Vierge. Alors de deux choses l'une. Chacun de ces Christ sera identique à l'autre ou il sera différent. Cette dernière supposition était repoussée par les chrétiens. Il faudra admettre la première alors. Mais celle-ci est absurde, car la substance de chaque hostie est différente de la substance de l'autre. Petit d. Si le pain se convertit en un Christ entier sous la main du prêtre, il faut qu'une de deux choses arrive. Quand le prêtre rompt le pain pour l'administrer aux fidèles, c'est-à-dire où le corps du Christ est mis aussi en autant de fragments qu'il y ait de morceaux de pain, ou bien chaque morceau devient un Christ entier, sans un nouveau procédé de consacration. Dans le premier cas, chaque morceau ne représenterait plus qu'un fragment du corps du Christ, et la personne qu'il mangerait ne prendrait pas le Christ entier. Et dans le second, nous aimerons qu'on nous dise d'où sont venus tous ces nouveaux Christ, la consacration ayant d'abord été faite sur un seul morceau de pain converti en un seul Christ. Petit e. Si la scène qui a eu lieu devant la crucifixion du Christ est le sacrifice même qui a été fait sur la croix, elle aurait dû suffire au salut du monde. Il n'y avait pas nécessité que le Christ souffrit personnellement le supplice de la croix de la main des Juifs, parce que, au dire des chrétiens eux-mêmes, le Christ est venu au monde pour délivrer les hommes par un seul sacrifice. Il n'y est pas venu pour souffrir plusieurs fois. Ainsi qu'on le voit, par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4. Petit f. Si ce que les chrétiens disent est vrai, ils sont 100 fois plus coupables que les Juifs alors. Car les Juifs n'ont crucifié le Christ qu'une seule fois. Et ne l'ont pas mangé après sa mort. Les chrétiens, au contraire, le sacrifient et le mangent chaque jour en mille endroits différents. Si ceux qui ont crucifié le Christ une seule fois ont mérité pour ce méfait la malédiction, que méritent alors ceux qui l'égorgent chaque jour dans des milliers de lieux à la fois et mangent sa chair et boivent son sang? Que Dieu nous préserve de ceux qui mangent leur Dieu et en boivent leur sang. Si leur pauvre Dieu n'échappe point à leurs mains meurtrières, qui peut échapper? Qui peut y échapper? Que Dieu nous tienne éloignés d'eux alors. Petit G, dans Luc, chapitre 22, on rapporte ces paroles de Jésus pendant la scène. Faites ceci en mémoire de moi. Mais si la scène était le sacrifice lui-même, elle ne peut en être le symbole, le souvenir, parce qu'une chose ne peut pas servir de symbole à elle-même. Or nous disons, puisqu'il y a des hommes d'un entendement sain qui peuvent se laisser aller à de tels écarts d'imagination, dans les choses qui tombent, cependant, sous le contrôle des sens, à plus forte raison, n'est-il pas invraisemblable que ces mêmes personnes se soient laissées aller à des écarts analogues dans le domaine de la métaphysique et surtout à l'égard de la nature de Dieu? Mais je laisse ces faits de côté et m'adresse aux théologiens protestants en leur disant, puisque d'après vous, il y a des gens sensés et intelligents qui, soit pour garder foi aux traditions des docteurs de leurs églises, soit pour d'autres motifs particuliers, ont pu imposer à leur raison un dogme que vous condamnez comme contraire au témoignage de notre esprit et de nos sens. Il se peut que de commun avec ces antagonistes, vous commettiez avec eux la même méprise pour le dogme de la Trinité qui est pour le moins tout aussi contraire au critérium de la raison humaine que le dogme de la transsubstantation. Il y a actuellement parmi vous en Europe des personnes aussi sensées, aussi intelligentes et aussi éclairées que vous qui professaient jadis le christianisme et qui l'ont abandonné, précisément à cause de ces dogmes absurdes qu'il contient. Le nombre de ces personnes que vous appelez infidèles est égal peut-être au vôtre et même à celui de vos antagonistes. Les sectaires de l'Église romaine et leurs ouvrages sont pleins des plus amères railleries contre vous. Vous avez aussi le parti unitarien qui rejette votre dogme. Quant aux musulmans et aux israélites, ils n'ont cessé de stigmatiser ce dogme comme une hallucination, un rêve incohérent. Concernant maintenant le point 8, le Christ s'exprimait avec une concision qui rendait difficile de le comprendre, même pour ses contemporains et ses disciples. Il était obligé d'expliquer lui-même le sens de ses paroles. Celles qu'il n'a pas expliqué n'ont été comprises que longtemps après lui, et d'autres sont restées absolument inintelligibles. Nous en donnerons ici quelques exemples. Dans le deuxième chapitre de Jean, on lit la conversation suivante entre Jésus et quelques juifs qui lui demandèrent un miracle. Jésus répondit, « Abattez ce temple et je rétablirai cela dans 3 jours. » Et les juifs lui dirent, « On a été 46 ans à bâtir ce temple et tu le relèveras en 3 jours. » Mais il parlait du temple de son corps. Après donc qu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à cette parole que Jésus leur avait dite. On le voit, les disciples eux-mêmes n'avaient pas compris ce que Jésus a voulu dire. Jean rapporte, dans le chapitre 3, la conversation de Jésus avec Nicodème, un des principaux docteurs juifs. Jésus lui répondit, « en vérité, je te dis, que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et Nicodème lui dit, « comment un homme peut-il renaître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois ?» Jésus essaie d'expliquer, mais le docteur ne comprend pas. Encore, et lui demande, « comment ces choses peuvent-elles se faire ?» Et Jésus répondit, « tu es un docteur en Israël, et tu ne sais pas comprendre ces choses ?» Une autre fois, s'adressant aux Juifs, Jésus leur dit, « je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Les Juifs donc disputaient entre eux, disant, « comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, car ma chair est véritablement une nourriture et mon sang est véritablement un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, comme le Père ainsi, celui qui ne mangera vivra par moi. » Qui me mangera vivra par moi. Et plusieurs de ses disciples, l'ayant vu, dirent oui. Cette parole est dure. Qui peut l'ouïr? Dès cette heure-là, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils ne marchaient plus avec lui. chapitre 6, Jean. Dans ce cas, comme dans l'exemple précédent, les disciples eux-mêmes sont rebutés par la difficulté de pénétrer le véritable sens des paroles de Jésus. Dans le chapitre 7, 21, 22, 51, 52 de Jean, on lit « Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché, vous ne pouvez venir où je vais. » Et les Juifs donc disaient « Se tuera-t-il lui-même puisqu'il dit « Vous ne pouvez venir où je vais ?» en vérité, je vous dis que si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. » Les Juifs lui dirent, « Nous voyons bien maintenant que tu es possédé du démon. Abraham est mort et les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne pourra jamais. » Ici aussi, les Juifs n'ont pas compris le vrai sens des paroles de Jésus. Et ils l'ont même accusé d'être possédé du démon. Dans un autre endroit, nous voyons les disciples se méprendre sur le sens des discours de leur maître. Chapitre 11 de Jean, versets 11-14, il parla ainsi. Après cela, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais l'éveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Or, Jésus avait dit cela de la mort de Lazare. Mais ils crurent qu'il parlait d'un véritable sommeil. Jésus donc leur dit, alors ouvertement, « Lazare est mort. » Matthieu, dans le chapitre 16, 6 à 12, dit aussi, et Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des Sadducéens et des Pharisiens, sur quoi ils pensaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons point pris de pain. Et Jésus connaissait cela, leur dit, gens de peu de foi, pourquoi dites-vous, nous n'avons point pris de pain? Comment ne compreniez-vous pas que je ne vous parlais pas du pain lorsque je vous ai dit de garder du levain des Sadducéens et des Pharisiens? Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain de pain, mais que c'était du levain de la doctrine des pharisiens et des sadducéens qui leur avait dit de se garder et de se méfier. C'était une mise en garde en fait contre la doctrine des pharisiens, des sadducéens. Luc chapitre 8, 52-53, nous raconte le miracle de la résurrection de la jeune fille en ces termes. Et tous pleuraient et se lamentaient à cause d'elle. Mais il dit, ne pleurez point, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Ici aussi, on ne comprit point Jésus. Dans Luc, chapitre 9, 44-45, Jésus parlant à ses disciples, leur dit, pour vous, écoutez bien ces paroles. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais ils n'entendaient point cette parole. Elle était si obscure pour eux qu'ils ne comprenaient rien et ils craignaient de l'interroger sur ce sujet. Nous avons vu aussi que la doctrine même de la Trinité n'a pu être établie qu'au moyen d'une interpolation en ajoutant au chapitre 5 de la première épître de Jean les mots suivants. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit, et ces trois-là sont un. On a donc interpolé également quelques mots dans le premier chapitre de Luc. On en a supprimé d'autres du premier chapitre de Matthieu. On a ôté tout un verset du chapitre 22 de Luc, lors même que l'on trouverait quelques passages dans les évangiles qui sembleraient être en faveur de la doctrine de la Trinité, on ne doit y faire aucun fond. D'autant plus qu'ils sont loin d'être explicites. Elles portent à équivoque, tout simplement. Le point 9. Notre intelligence ne peut pas comprendre ce que certaines choses sont en elles-mêmes et dans leur essence, tout en affirmant leur possibilité. Ces choses seront possibles. Nous jugeons également à première vue, ou en vertu d'un argument décisif de l'impossibilité de certaines choses, ce qui voudrait dire que leur existence impliquerait une condition impossible à réaliser. Il y a évidemment entre ces deux catégories une différence considérable. À la seconde catégorie appartient par exemple la coexistence des contraires. Il est impossible qu'une même chose soit en même temps et sous le même rapport, une et plusieurs, que plusieurs unités deviennent une seule, sans se confondre essentiellement, que deux contraires soient réunis dans le même sujet comme la lumière et les ténèbres, le chaud et le froid, le noir et le blanc, la siccité et l'humidité, la vue et la siccité, le repos et le mouvement. Tout esprit raisonnable admettra sans examen l'évidence de cette proposition. Dixième point. Deux propositions contraires s'entre-détruisent. S'il est impossible de les expliquer. Dans le cas où l'explication soit possible, il faut avoir recours à la condition qu'elle n'implique pas une proposition absurde ou fausse. Par exemple, il y a des passages qui établissent la nature corporelle de Dieu. D'autres, où l'on déclare supérieur à toute limitation de forme ou de temps. Entre les deux, il faudra expliquer, comme nous l'avons fait ci-dessus, nous ne devons pas conclure toutefois de la coexistence de ces passages, que Dieu est à la fois spirituel et matériel d'une manière supérieure à notre intelligence. Nous ne ferions que doubler la difficulté sans ôter la contradiction. Le 11e point. Le nombre étant une fraction de la quantité, il ne peut exister par lui-même, mais par ses parties constituantes. Tout ce qui existe est susceptible d'individualité ou de pluralité. Mais l'être qui possède l'individualité parfaite et la distinction réelle ne peut être en même temps aussi une pluralité réelle. Autrement, l'individu serait un et plusieurs à la fois, ce qui est totalement contradictoire. Ce n'est que d'une manière abstraite que plusieurs individualités réelles peuvent être considérées comme une unité idéale. Ce qui prouve que si on regarde ça d'une façon littérale, c'est impossible car il y aura une dépendance. Mais d'une façon abstraite, l'excuse qu'ils emploient tous les jours, ils vont essayer de trouver, bien sûr, la raison à cela. Le 12e point. Le christianisme comprend un grand nombre de sectes, chacun ayant son point de vue sur la Trinité. Le savant Maqrizi, rahimallah, paix à son âme, dit dans son livre déjà mentionné en parlant des différentes sectes de chrétiens qui existaient de son temps, il y a une foule de sectes chrétiennes, les Melkites ou Melchites, les Nestoriens, les Jacobistes, les Bodaniens et les Marcolites, autrement appelés les Rahamites, qui vivaient dans la région de Haran et autres. Il ajoute: les Melkites, les Jacobistes et les Nestoriens croient tous que leur Dieu est en trois personnes et que ces trois personnes ne forment qu'un seul être, ayant une seule et même essence éternelle, et que son expression est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu. Astaghfirullah. Le même auteur, donc Maqrizi, dit ensuite: « Il croit que le Fils a pris une chair humaine de telle manière que lui et le corps où il s'est incarné ne forment qu'un seul Messie. Le Messie, selon eux, est le seul Dieu du genre humain. Mais ils ne sont pas d'accord sur la manière dont s'est faite cette union des deux essences. Les uns disent que l'essence divine s'est unie à l'essence humaine, sans que l'une se soit confondue dans l'autre, et que le Messie, selon eux, est Dieu en même temps qu'il est le fils de Marie qu'il a conçu et enfanté, et qu'il a été crucifié. D'autres, parmi ces sectes, disent qu'il y a dans le Messie, depuis l'incarnation, deux natures, une divine, l'autre humaine, et que c'est la nature humaine seule qui a souffert la crucifixion, et que Marie a conçu et enfanté le Messie sous le rapport de sa nature humaine. C'est l'opinion, par exemple, des Nestoriens. Ils disent enfin que le Messie en entier, avec ses deux natures, est Dieu et Fils de Dieu. Combien Allah est au-dessus de ces allégations. D'autres prétendent que l'essence divine est simple, non composée, et que l'incarnation s'est faite par l'union de cette essence au corps humain. D'autres, que l'incarnation consiste dans l'union et la fusion, pour ainsi dire, du Fils avec le corps humain qu'il avait choisi. D'autres encore, qu'elle s'est opérée en guise de manifestation, comme l'empreinte que laisse un cachet sur la cire, ou comme la réflexion du corps humain dans un miroir, et d'autres assertions semblables, tellement nombreuses et disparates qu'on n'en trouve de semblables dans aucune autre religion. Les Melkites disent que Dieu est l'expression de trois significations, hypostases. Il est 3, 1 et 1, 3. Les Jacobites disent qu'il est l'éternel, l'unique, qu'il était matériel et qu'ensuite il s'est incarné et assumé la nature humaine. Les Marcolites disent que Dieu est unique, que sa sagesse est distincte en lui et coéternelle avec lui, et que le Messie est son fils sous le rapport de la grâce. Comme on dit qu'Abraham est l'ami de Dieu, on voit par ces paroles de Maqrizi, rahimallah, que le rapport de la personne du fils avec le corps visible du Messie est loin d'être nettement déterminé. Cela justifie la variété d'explications que l'on trouve à ce sujet dans les anciens livres musulmans. Il n'y a de discussion entre nous, musulmans, et les Marcolites, que dans la détermination du rapport de la grâce. Les protestants, voyant les périls qu'aurait présenté ce genre de discussion, ont préféré garder le silence sur les rapports des trois personnes de la Trinité. Voilà, c'était la fin de la deuxième couche, et on va entamer la dernière et troisième couche, qui est la réfutation par l'ordre de la logique. La réfutation de la Trinité, en plusieurs démonstrations, notamment, en plus précisément, en sept démonstrations. Donc, la première démonstration, pour essayer de démontrer, de réfuter la Trinité dans l'ordre de la logique, du rationnel, la première, s'il est vrai, comme l'affirment les trinitaires, qu'il y a dans l'être de Dieu trois personnes individuellement et réellement distinctes, sans insister sur le fait que cela donnerait une pluralité d'absolu, je dis que, dans ce cas, Dieu ne sera même pas un composé réel, mais un simple composé idéal. Car dans un composé réel, toutes les parties ont besoin d'une, de l'autre, pour former le tout. D'une pierre et d'un homme, mis à côté l'un de l'autre, il ne peut résulter un tout réel, faute du dit besoin. Or, ce besoin ne peut être dans la nature de l'absolu, il est exclusif au possible, ou au contingent, parce que l'absolu, existant par lui-même, n'a pas besoin d'autre que lui. De plus, dans un composé réel, chaque partie est autre que le reste et ses coparties, tout en concourant avec celle-ci à former ce tout. Mais si, entre ces parties, le dit besoin de liaison n'existe pas, il ne peut s'en former de tout réel. Selon l'insertion des trinitaires, Dieu serait composé et tout composé pour être réel a besoin de l'union réelle de toutes ses parties, dont chacune est certainement autre que le tout. Ainsi, le composé, ayant besoin d'autre que lui pour exister, entre dans la catégorie des contingents. Dieu serait donc, selon eux, contingent, tout simplement, d'après les trinitaires, ce qui est totalement faux. En gros, voilà ce qui démontre que, selon eux, Dieu serait dans le besoin alors. La deuxième démonstration. L'indistinction des personnes impliquerait l'existence d'un principe de distinction autre que le principe absolu de l'existence qui est commun aux trois personnes. Chacune d'elles serait par conséquent composée de deux éléments, un principe distinctif spécial et un principe absolu d'existence commune. Mais tout composé n'existe qu'à un état virtuel, dont chacune des personnes n'existe que virtuellement. Donc en gros, qui dit distinction dit tout simplement différence et un rôle spécial. Mais la troisième démonstration complémente cette deuxième. Si la distinction des trois personnes est réelle, le principe de cette distinction sera un des attributs qui constitue la perfection divine ou ne le sera pas, dans la première hypothèse, où la distinction sera réelle. Tous les attributs de la perfection divine ne sera pas commun aux trois personnes, ce qui est contraire à la doctrine des trinitaires, car les trinitaires affirment que chacune des trois personnes possède tous les attributs de la perfection. Et dans la seconde hypothèse, chacune des personnes de la Trinité aurait un attribut qui n'est pas du nombre des attributs qui constituent la perfection divine, c'est-à-dire l'attribut de la distinction, ce qui serait un manque, une imperfection qu'on ne saura admettre dans l'être infini. Donc dans les deux cas de figure, il y aurait une impasse dans les deux formes d'interprétation. Quatrième démonstration. Si l'union de la nature humaine et de la nature divine dans le Fils est réelle, le Fils sera fini. Par conséquent, sujet au changement. Par conséquent, contingent. Donc Dieu serait contingent. Car qui dit Fils dit Dieu. Cinquième démonstration. D'après les chrétiens, l'unité et la Trinité coexistent actuellement dans la nature divine. Or, l'être qui possède l'individualité parfaite et la distinction réelle ne peut être en même temps aussi une pluralité réelle. Autrement, l'individu serait un et plusieurs à la fois, ce qui est totalement contradictoire. La Trinité existant actuellement impliquerait la pluralité réelle des personnes divines, ce qui exclut clairement l'unité des sens. À moins de n'admettre la coexistence des contraires dans un même sujet, ce qui est impossible, car il est impossible qu'une même chose soit en même temps et sous le même rapport une et plusieurs, que plusieurs unités deviennent une seule sans se confondre essentiellement. Celui qui croit à la Trinité ne peut donc pas croire à l'unité de Dieu, hein, à Tawhid. Dire que la coexistence de l'unité réelle et de la Trinité réelle, bien qu'elle soit contradictoire au sein du contingent, cesse de l'être au sein de l'absolu, est un vrai sophisme. C'est de l'argument dans l'ordre de... c'est fallacieux. Car du moment qu'il est démontré que deux choses sont, par leur essence, effectivement et entièrement contraires, on ne saurait admettre leur coexistence. Et sous un même rapport, dans le même sujet individuel, que ce sujet soit l'absolu ou le contingent, en effet, l'unité réelle n'a pas deux tiers. L'unité est, par conséquent, le résultat de l'addition des trois entiers. Mais l'unité n'est nullement le résultat d'une addition de parties entières. Elle est une fraction de la triade. Les deux ne sauraient donc se réunir à la fois dans un même sujet sans que tout devienne partie de lui-même, ou la partie son propre tout. Il en résulterait que Dieu serait composé d'un nombre infini de parties par la coexistence en lui du tout réel et de la partie réelle. Car le tout étant composé, chacune de ces parties serait, elle aussi, composée de parties secondaires de l'ensemble desquelles elle est constituée, et ainsi de suite. Or, dire qu'une chose peut être composée d'un nombre infini de parties est absurde. La coexistence dans le même sujet de l'unité de la triade impliquerait que l'unité est son tiers, est son tiers à elle-même, et la triade le tiers de l'unité, et que la triade est trois fois son propre égal, et l'unité trois fois l'égal de trois. Donc, il ne peut pas avoir d'addition. La sixième démonstration. La doctrine des Jacobites est fausse, car elle implique la conversion de l'éternel en temporel et du simple en composé. Donc, elle implique la conversion de l'éternel en temporel et du simple en composé. Quant aux autres systèmes, on peut leur demander d'abord si l'union est faite par occupation essentielle ou autrement. Dans le premier cas, nous leur opposerons trois objections. La première. S'ils disent que l'union de deux substances est comme celle de l'essence de rose dans la rose, de l'huile dans le sésame ou du feu dans le charbon, nous répondrons que cette comparaison ne peut s'appliquer à la personne du Fils, qui de leurs aveux n'est pas un corps. Elle ne peut pas non plus être comme l'union de la couleur aux choses, car la couleur devient circonscrite par le fait de son existence dans un corps circonscrit, ce qui impliquerait la circonscription du Fils. S'ils disent enfin qu'elle est comme l'union des attributs aux essences, cela impliquerait la nécessité et subordonnerait le Fils à la nature humaine. Il devient nécessiteux. Deuxième point, deuxième objection. L'incarnation de la personne du Fils n'a pu se faire que de deux manières, d'une manière nécessaire ou d'une manière accidentelle. La première hypothèse, la nécessaire, est impossible, car la nature divine, absolue par elle-même, ne peut souffrir aucun changement. Par contre, si c'est par accident, la nature divine aurait subi une modification, elle serait sujette au changement, ce qui ne se peut, car aucun accident ne peut se produire dans la substance éternelle et absolue. L'accident, dans l'axe de la divinité, ça voudrait dire cela indirectement. Troisième point, troisième objection, quand la personne du Fils s'est incarnée dans Jésus, elle a cessé d'être dans l'essence divine, ou bien elle a continué à en faire partie. Dans le premier cas, la personne de Dieu se serait privée d'une de ses parties constituantes, ce qui aurait impliqué la destruction de l'être même de Dieu, car la séparation de la partie essentielle entraîne la dissolution du tout. Dans le second, la personne du Fils se serait trouvée en même temps en Dieu et dans Jésus. Si l'on nous dit que l'incarnation s'est opérée de la façon dont un cachet laisse son empreinte sur la cire, ou comme l'image de l'homme se reflète dans un miroir, nous remarquerons que dans ce cas, il n'y a pas proprement parlé, union réelle. De même que l'empreinte laissée par le cachet n'est pas le cachet, et que l'image d'une personne reflétée par un miroir n'est pas cette personne. De même, la personne du Fils dans cette hypothèse serait autre que le Christ lui-même. Tout au plus, pourrait-on dire que l'empreinte, l'image visible du Fils, est plus évidente dans le Christ que dans tout autre, comme certains milieux transmettent mieux la lumière du soleil que d'autres. Enfin, septième et dernière démonstration. Les protestants se moquent des catholiques, qui croient à la transsubstantiation en dépit du témoignage des sens. On peut rétorquer cet argument contre eux, contre les protestants. Ceux qui ont vu le Christ n'ont vu en lui qu'un homme comme tous les autres. C'est donc nier le témoignage le plus véridique de tous les sens, la vue, que de voir autre chose dans Jésus. On ouvre ainsi la porte à mille sophismes, comme dans la doctrine de la transsubstantiation. Le commun des chrétiens, de toutes les sectes, ne distingue pas, ainsi que le font quelques savants, la nature humaine de la nature divine, et croit à la divinité corporelle du Christ. On raconte que trois individus s'étant convertis au christianisme, un prêtre fut chargé de leur enseigner les dogmes fondamentaux de leur nouvelle religion. Un des amis du prêtre, étant venu le voir, s'informa des trois néophytes. Les trois fraîchement reconvertis, qui étaient alors au service du prêtre, et demanda à ce dernier s'ils avaient déjà appris quelque chose. Le prêtre répondit affirmativement, et ayant fait venir l'un des néophytes, il interrogea sur le dogme de la Trinité. « Tu m'as enseigné, dit le néophyte, qu'il y a trois dieux, dont un est au ciel, le second est né de la Vierge Marie, et le troisième est descendu sur le second sous forme de colombe, quand celui-ci eut atteint sa 30e année. » Le prêtre, en courroux, en colère, coupant sa parole, le renvoya et appela le second néophyte, second reconverti, qui, interrogé, répondit: tu m'as enseigné qu'il y a trois dieux. L'un d'eux ayant été crucifié, il en reste deux. Encore plus irrité, le prêtre le chassa de sa présence plus rudement que le premier. Et ayant appelé le troisième néophyte, qui était intelligent par rapport aux autres, et se donnait plus de peine à apprendre ses leçons, et l'ayant interrogé, celui-ci répondit: « Oh mon maître, j'ai bien compris ce que tu m'as dit. 3 et 1 et 1 et 3. Et un étant mort crucifié, tous sont morts à cause de l'unité de la nature divine, de sorte qu'il n'y a plus de Dieu à présent, autrement il faudrait nier l'unité des trois personnes. » Et donc, mécroire. On voit combien d'obscurité et d'absurdité présente cette doctrine que les savants musulmans ont déjà examinée et réfutée et qui embrasse les savants chrétiens eux-mêmes qui avouent croire sans comprendre. C'est à cause de cela qu'Al-Faqh al-Razi dit dans son commentaire du chapitre Les femmes dans le Coran surat al-Nisa: sache que les doctrines chrétiennes sont d'une grande obscurité. Il ajoute ensuite: il n'y a point de doctrine si absurde que celle des chrétiens. Donc dans le commentaire du chapitre de la table, le même savant dit, donc le Cheikh Al-Faqh al-Razi: je ne crois pas qu'il y ait au monde de doctrine aussi pernicieuse ni aussi peu raisonnable que celle des chrétiens. La doctrine de la Trinité est inacceptable rationnellement. S'il y a donc dans les Écritures quelques passages qui semblent la confirmer, il faut les expliquer d'après les principes rationnels de manière à les mettre d'accord avec notre raison. Les chrétiens et les juifs eux-mêmes emploient souvent cette méthode d'interprétation. Nous avons déjà vu qu'il applique au passage des Écritures qui semblent établir la nature corporelle de Dieu et à ceux où on attribue à Dieu la circonscription dans l'espace, bien que les passages où la nature spirituelle de Dieu est définie soient bien peu nombreux par rapport à ceux où la doctrine contraire est expressément proclamée. Donc il y a majorité sur cette vision-là. Il est étrange que les catholiques repoussent le témoignage des sens et de la raison, comme dans le cas de la transsubstantiation. Qu'il fasse si peu de compte aussi de la raison humaine et de l'évidence, au point de soutenir que l'unité et la Trinité peuvent coexister dans le même sujet et sous le même rapport. Mais il est plus étrange encore que les protestants qui repoussent le dogme de cette transsubstantiation, parce qu'il est contraire au témoignage des sens, n'hésitent pas à adopter celui de la Trinité. Si la tradition devrait être supérieure à la raison et au sens, il est certain que les catholiques sont de beaucoup plus conséquents que les protestants, parce qu'ils se soumettent en tout et sans faire de distinction à ce qu'il croit être la parole divine. Sale, donc S-A-L-E, qui était un savant anglais, qui connaissait bien nos sciences, les sciences islamiques, qui a même fait une traduction estimée du Coran, a dit dans la préface de cette traduction à ses compatriotes, édition datant de 1836, il dit la chose suivante: « Ne faites pas violence aux musulmans, et surtout ne leur enseignez pas ce qui est contraire à la raison, comme l'adoration des images et de la transsubstantiation. » Car ils ne sont pas sots et ne se laisseront pas convaincre par nos argumentations. Ces propositions leur sont antipathiques. Toute église qui les professe ne pourra jamais les attirer à elle. On le voit, il dit que l'adoration des images et la transsubstantiation sont contraires à la raison, ce qui prouve que ceux qui croient à cela sont des polythéistes. Puisse Dieu, puisse Allah les conduire au droit chemin. Et on va conclure en citant le même verset que j'ai cité pour la deuxième couche, pour la deuxième couche de lecture. La parole d'Allah, la parole du Créateur, l'exalté soit-il, surat An-Nisa, surat les femmes, versets 171, 172, 171, 172. Ô gens du livre, les chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites de Dieu que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de Dieu. Sa parole qu'il envoie à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Dieu et en ses messagers. Et ne dites pas trois, cessez, ce sera meilleur pour vous. Dieu n'est qu'un Dieu unique, il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Dieu suffit comme protecteur. Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur de Dieu, ni les anges rapprochés de lui. Et ceux qui trouvent indigne de l'adorer et s'enflent d'orgueil, il les rassemblera tous vers lui. Surat An-Nisa, surat les femmes, dans le noble Coran, le Saint Coran, 171, 172. Et je termine en faisant ces petites conclusions. Nous n'avons pas d'animosité envers les chrétiens. Nous voulons juste leur bien. Nous voulons juste leur bien. Avec cet audio-là, c'est juste un petit caillou dans l'édifice. Et peut-être que les moins enflés d'orgueil parmi eux feront des recherches de leur côté et verront toutes les contradictions. Ce sont dans l'ordre de l'histoire, hein, point de vue historique, point de vue de la rationalité, etc., etc. Ils verront que l'addition, que le fait que telle partie de l'entité divine doit dépendre de l'autre, etc., etc. Les falsifications. Paul de Tarse aussi qui a beaucoup joué là-dedans. Le premier concile qui a fait la promotion de cette vision, de cette interprétation erronée. Enfin bref, les chrétiens sincères, j'espère, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, Inch'Allah, qui feront leurs recherches et embrasseront la religion qui abroge les autres qui ont été falsifiés à travers l'histoire. Car nous, Isa, Jésus, est un prophète, un messager d'Allah. Nous le considérons comme tel, nous le respectons, nous l'aimons fillah. Mais il reste un messager d'Allah, qui a fait des miracles par la grâce d'Allah. Et certes, qu'Allah nous guide. Assalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب غير المغضوب